passion souffle. Encore quand j'en crois, c'est la même étoile. Phénoménal, Lady White and White, made in Jamaica, made in Nahigua, in a dancehall time.